il y eut une furieuse tempête dans les environs de Paris. Un violent ouragan renversa de fond en comble les murailles d'une maison fort ancienne située à Montmartre et dont la construction, faite en ciment très solide, était restée longtemps inébranlable. On dit qu'on a vu des démons, sous la forme de cavaliers, détruire une église voisine, saper avec les poutres de cette église les murs de la maison susdite et les renverser. Ils avaient aussi arraché les vignes de la montagne et ravagé toutes les terres ensemencées. Le panneau historique, à côté du pont, nous dit que le Marcreux était un ancien territoire parcouru de chemins dont l'origine du nom viendrait du gaulois Marcou, Bou, ou Marécou, Marais. Je comprends ce rapprochement entre Marcreux et Marais. En effet, le Montfort, le cours d'eau qui descendait de la Courneuve, alimenté de deux sources situées sur les deux côtés du centre-ville d'Aubervilliers, était appelé autrefois Mardret, qui viendrait du latin Marendricia, marécage, donc un lieu humide. Cependant, analysant le plan de Lincelin, je me permets d'avancer une autre théorie sur l'origine de ce nom. Premièrement, le Marcreux est un endroit petit et bien délimité à la forme carrée. On peut donc le considérer non pas comme un territoire, mais comme un endroit. Deuxièmement, on trouve à Aubervilliers deux lieux-dits avec la même racine, le Marcreux et le Marglas. Ce dernier se trouve sur le prolongement du Landy vers Bobigny, hors du centre-ville, sur la route de Flandre, juste au sud de l'actuel quartier de la Maladrerie, où l'on trouve la rue de la Motte. Il est adjacent aux lieux-dits La Motte et Haute Motte. Glas, dans le Catholicon, le dictionnaire breton du XVe siècle, signifie « couvert d'ardoise ». Mar, en irlandais du Moyen-Âge, veut dire « grand ». C'était Maros, en gaulois. Donc Marglas pourrait être interprété comme une grande couverture en ardoise bleue, un peu comme la pierre turquoise, reste d'un dolmen mégalithique à Saint-Martin-du-Tertre en Val d'Oise. Marcreux pourrait vouloir dire grand creux, grand vide. Peut-être un ancien puits asséché, un puits entouré de monuments mégalithiques, donc peut-être un point d'eau sacrée. Il faut rappeler qu'on se trouve à côté des pointes de Cornillon, à quelques centaines de mètres de Crèvecœur. Un ancien hameau breton sur le territoire de la Courneuve. L'origine de la Courneuve est due à une colonie, une communauté chrétienne que l'abbé Suger fit installer pour contraster une population païenne. Anne Lombard-Jourdan nous dit qu'à la Courneuve, il y avait un culte celte dédié aux eaux. Il faut rappeler aussi que Notre-Dame des Vertus, l'église d'Aubervilliers, est liée à un miracle de la Vierge et à une source d'eau. Il faudrait donc imaginer la Montjoie et le Marcreux comme le centre d'une vaste zone sacrée qui s'étalait sur toute la longueur du territoire du Landy, de l'est à l'ouest. Et imaginer les démons dont Flodoard parle comme les esprits des guerriers enterrés dans la plaine.